L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est la rentrée aussi au TGP à Frouard et pour nous en parler, nous accueillons en studio Aline Zander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations avec le public et donc cette rentrée est toujours marquée par plein d'événements, une belle programmation. On va faire un petit tour d'horizon. Ça commencera déjà le 28 septembre avec la soirée de lancement. Mais avant d'en parler, c'est quoi les nouveautés au TGP? Ah, cette année, on a plein de nouveautés à vous faire découvrir. Alors à la radio, c'est peut-être moins évident de s'en rendre compte, mais on a un nouveau visuel qui a été dessiné par un artiste BDiste qui fait des BD, mais pas que. Ouais. On a une petite photo de rentrée des classes de tous les personnages qu'on va retrouver dans les spectacles cette année, qui posent devant le théâtre. Donc, on est assez contents de cette nouvelle identité qui change complètement de look. Avant, c'était très coloré. Maintenant, voilà, on est sur du crayon très, très fin, noir et blanc. Mmh. Et tous ces petits personnages-là, on va vous inviter à venir les découvrir au lancement de saison. Ce sera le 28 septembre. Avant d'en parler encore de cette soirée-là, combien de spectacles va y avoir à peu près cette année? Il y en a toutes les semaines? Alors non, pas toutes les semaines. On a des actions, des animations toutes les semaines, mais pour les spectacles, il y en a environ 2 par mois. Oui. En général, on a un spectacle tout public les vendredis soirs et des spectacles plutôt familiaux ou pour les très jeunes publics les mercredis ou les dimanches. Voilà, les enfants sont toujours bienvenus au TGP à Frouard. Alors oui, tout à fait. On les accueille tellement bien qu'on leur a dédié un nouveau festival cette année. Ce sera en décembre. Voilà, ça c'est une autre nouveauté. C'est le festival La Bouillotte qui est dédié aux plus petits, aux adultes qui les accompagnent. Et ça, je vous en dirai plus, je pense, cet automne. Voilà, ce sera à partir du 3 décembre et ça, on en reparlera. On connaissait le festival La Bouillotte, maintenant il y a aussi La Bouillotte. Eh oui. Alors parlons de cette soirée de lancement du 28 septembre. Qu'est-ce que vous nous avez prévu? Alors pour les soirées de lancement, alors ce n'est même pas qu'une soirée d'ailleurs, ça commence à 16h30. Pour ceux qui nous connaissent et qui ont l'habitude, on reprend la même recette que chaque année. Oui. On vous donne rendez-vous sur le parvis du théâtre avec plein de petits stands, ateliers en lien avec des artistes. Donc je vous parlais des petits personnages que vous allez retrouver au lancement. Donc il y aura l'atelier Spray Lab qui vous proposera de faire des sérigraphies des petits personnages. Vous pourrez choisir votre personnage préféré, repartir avec une affiche. Il y en a, vous pourrez même en mettre plusieurs dessus, en découvrant le procédé d'une sérigraphie avec la presse, comment ça fonctionne. Vous pourrez la faire vous-même. Il y aura d'autres ateliers, il y aura le collectif Louvre-Boîte qui nous proposera des jeux en bois autour du langage, autour des mots. Donc ils vont nous faire voyager à travers des grandes structures autour des mots et des lettres. Nous aurons également la compagnie Intranquille qui est en résidence au théâtre depuis la saison passée, qui est sur le territoire pour aller à la rencontre des gens, des habitants. Mmh. Donc là, ils vont certainement venir papoter avec vous, peut-être enregistrer une collecte de paroles. Voilà, vous pourrez vous laisser cueillir par ce qu'ils vous proposent, ce qu'ils vous concoctent. Voilà, donc ce sera à partir de 16h30. Tout à fait. Sur le parvis, en espérant qu'il y ait un peu de soleil. Oui, bien sûr. Alors c'est toujours le risque. S'il n'y a pas de soleil, on sera quand même là. Si jamais il pleut à grandes eaux, on pourra bien sûr tout rapatrier à l'intérieur du théâtre. Ce sera un peu moins marrant, mais voilà, on n'annulera rien en tout cas. Il y aura également un bar tenu par l'association Rouel et Radis. Ils croient au soleil, hein, ils vont me proposer des glaces. Ah bah bien sûr. Pour le goûter. Et il y aura de quoi grignoter aussi à partir de 18h30, et on passera en formule salée avec des petits sandwichs, mais aux petits oignons comme ils savent nous préparer. Voilà, ce sera bien pour démarrer le week-end tout ça. Et en plus, il y aura un petit spectacle après à 20h, c'est ça? Et oui, bah oui, quand on commence pas la saison du théâtre sans un spectacle. Alors, on vous a choisi cette année un spectacle autour du retour dans l'enfance. Ça s'appelle L'Arrière-Pays. C'est de la compagnie Les Trois Points de Suspension. Et comment commence ce spectacle? Vous imaginez une grande pile de nounours sur le plateau du théâtre. Et là, on va avoir des adultes qui vont essayer de retrouver le chemin de leur enfance. Et par un procédé assez magique que je vous laisserai découvrir, parce que c'est très très surprenant, bah, ils arrivent vraiment à tous nous replonger dans une période qu'on a forcément tous traversée. On a forcément des souvenirs qui vont être similaires à ce qu'ils vont nous rappeler. Et aussi bien quand on est un grand enfant que quand on a des enfants, voilà, on retrouve vraiment des choses très cette attendrissante du quotidien, de comment fonctionne un enfant, comment il réfléchit un peu de façon différente, et on a oublié de réfléchir de cette façon-là, et voilà, ça fait du bien. Ce spectacle, l'arrière-pays, qui donne le ton un peu de tous les spectacles qu'on va pouvoir découvrir, donc vous avez dit hein, à peu près 2 par mois, c'est ça? Oui, voilà, le prochain, ce sera en octobre, le dimanche 13 octobre. Ce spectacle-là sera plutôt jeune public et familial. Et si on veut un peu préparer sa saison, regarder le programme, on peut le retrouver bien sûr sur le site du TGP, on peut le retrouver en format papier. Alors oui, tout ça. On a une billetterie en ligne qui vous permet d'aller regarder tous les spectacles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On met souvent de l'actualité, on poste les liens pour aller aussi télécharger la plaquette si vous voulez la voir en version informatique. Vous pouvez venir la chercher au théâtre. On va en distribuer partout autour de Nancy. Il y a plein de lieux de MJC où vous avez peut-être l'habitude d'aller chercher d'autres programmes, d'autres structures culturelles, mais voilà, on sera un peu partout. Et pour réserver, donc il y a la billetterie en ligne, mais vous pouvez aussi nous appeler, passer au théâtre et nous envoyer un mail. Parfait. Et si on voit plein de spectacles qui nous intéressent, je crois qu'il y a un système d'abonnement en plus. On vous propose, à partir de 8 places, vous avez une réduction de 20% si les 8 places sont prises sur au moins 3 spectacles différents. Donc ça, c'est jusqu'à fin novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut en profiter pour choisir déjà tout ce que vous voulez faire cette année. Merci beaucoup Aline. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour cette saison? Eh bien, c'est vrai que j'ai pas parlé d'une autre nouveauté, donc je vais peut-être parlons-en. On vous propose de participer à des créations partagées avec des artistes. Il y aura une création pour les ados avec la compagnie Bonjour Désordre qui va être autour de la frite avec la compagnie là. Ils ont comme travail principal de créer des moments de convivialité, des lieux de convivialité éphémères autour de la frite. Donc on s'assoit, on épluche des patates, on discute, on enregistre des podcasts et on mange des frites surtout. Et pour les adultes, ce sera une création autour du clown avec la compagnie Brougnac et Camille Perrin. Et également Virginie Wittmer qui sera les deux artistes acolytes de tout le groupe tout au long de l'année. Donc il y aura 2 grands rendez-vous pour vous présenter ces projets si ça vous intéresse. Pour les ados, ce sera le samedi 19 octobre dès 11h et pour les adultes, ce sera le dimanche 20 octobre à 10h30 autour d'un brunch. Voilà, on vous présente tout le projet et toutes les autres petites choses que vous pouvez faire en fonction que vous soyez un ado ou un adulte et seulement à l'issue, vous décidez ce qui vous plaît. Et ben voilà une belle programmation, plein de choses à faire pour les petits, pour les moins petits. Merci beaucoup Aline. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.